إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on commence aujourd'hui le cours 18 dans l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, Fadl al-Islam. Et c'est le charh du Cheikh Salih al-Fawzan. Donc c'est le cours 18 aujourd'hui. Et on continue à lire les hadiths que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce livre. Donc on a lu la semaine passée un livre dans lequel on a parlé de Al-Hawd. Al-Hawd, c'est-à-dire la fontaine ou le bassin où les croyants vont venir boire au jour de la résurrection. Et on a expliqué un petit peu des choses à ce sujet-là. Puis on a dit que certains individus vont être repoussés de cette fontaine. Ils ne pourront pas boire de cette fontaine. Donc, maintenant le Cheikh, il mentionne quelques hadiths encore qui parlent presque de ce même sujet ou qui tournent proche de ce sujet-là. Et c'est le hadith suivant qui est rapporté selon Abi Huraira. Il dit: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرتهم على الحوض، ألا يلاذن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال؟ فأناديهم: ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا. Donc c'est rapporté par Abi Huraira رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: j'aurais aimé qu'on puisse voir nos frères. Et les sahaba ont dit: ô messager d'Allah, ne sommes-nous pas tes frères? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: vous êtes mes compagnons. Mes frères, nos frères, ce sont ceux qui vont venir après. Ils ont dit: et comment vas-tu reconnaître ceux qui vont venir après de parmi ta ummah, ô messager d'Allah? C'est-à-dire au jour de la résurrection, comment tu vas aller reconnaître ceux qui sont venus après, pour savoir qu'ils sont de ta ummah? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'as-tu pas vu les chameaux qui ont des marques blanches aux pattes et aux extrémités, parmi des chevaux qui sont tous de la même couleur? Est-ce que tu ne peux pas les distinguer? Alors ils ont dit: certes, au messager d'Allah. Alors il a dit: alors ma umma va venir au jour de la résurrection avec des marques de clarté sur les membres à cause du wudu. et je serai le premier d'entre vous, je vais vous précéder au bassin ou à la fontaine, al-Hawd. Et il y a des gens qui vont être repoussés de al-Hawd comme des ânes égarés. Et je vais les appeler, venez vers moi, et on va dire, ou quelqu'un dira, ils ont changé après toi. Et il va dire, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire comme, qu'il soit éloigné. Et ça c'est rapporté par Muslim. Ça c'est dans le bab, le fasl après le... Ça c'est Bajj, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. C'est un chapitre qui est assez long. En fait, il ne fait que mentionner les hadiths. Tu l'as trouvé? Ok. Il y a plusieurs versions de ce hadith qui sont mentionnées. Maintenant, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce hadith. Il dit هذا مثل الحديث الذي قبله في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا يأتون ولهم سمات وعلامات بارزة يعرفهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق وهي آثار الوضوء وهذا من فضل الوضوء للصلاة وفضل الطهارة وأن آثاره تبقى نورا يتلألأ يوم القيامة على أطراف المسلمين يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم من بين الخلق فهذا فيه فضل الوضوء وفيه علامة هذه الأمة يوم القيامة من بين الأمم وفيه أن ناسا يزادون عن الحوض يأتون مع الوراد إلى الحوض بصفة أنهم يدعون الإسلام لكنهم يمنعون ويزادون كما يزاد البعير الضال ويمنعون من الوصول إلى الحوض فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك فيقول صلى الله عليه وسلم سحقا لمن بدل وغير أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذا مثل الحديث الأول إلا أن فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بسيم الغرة والتحجيل من آثار الوضوء. Donc le cheikh explique ici que ce hadith est semblable à celui qui l'a précédé, c'est-à-dire que dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui vont changer et qui vont changer et ils vont venir au jour de la résurrection et ils auront des signes par lesquels on pourra les reconnaître. C'est-à-dire la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui n'ont rien changé et qui n'ont rien déformé de la religion. C'est ça que ça veut dire. C'est que la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui n'ont rien changé et qui n'ont rien déformé de la religion. Et eux, ils vont venir au jour de la résurrection et ils auront des signes apparents par lesquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pourra les distinguer et les reconnaître d'entre toutes les créatures. Et ce sont les marques ou les traces de wudu. Les traces de wudu. Et ça montre le mérite du wudu et de la salat. Du wudu que tu fais pour la salat. Le mérite de la purification. Parce que les traces du wudu vont rester au jour de la résurrection. Elles vont être comme des marque de lumière qui étincelle, qui brille. Donc, ça c'est le mérite. C'est le mérite du wudu. Maintenant, imaginez quelqu'un qui ne fait pas la salat parmi les musulmans. Quelqu'un qui ne fait pas la salat parmi les musulmans, il ne fait pas son wudu. Et donc, il n'a pas de marque de lumière au jour de la résurrection pour le distinguer de ceux qui yani ont les marques de lumière. Donc, hein, pour les distinguer des noms de ceux qui n'ont pas de traces ou de marques ou de ceux qui ne sont pas musulmans. Donc, ça c'est important. Ça c'est important, ça nous montre l'importance du wudu, l'importance de la salat. Et le cheikh il dit ensuite que donc les musulmans ils vont avoir ces marques-là sur les extrémités de leurs membres. Hein? Là où les membres sur lesquels ils faisaient le wudu, il y aura de la lumière qui va apparaître à ces endroits-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir les reconnaître. Ça montre encore une fois le mérite du wudu. Et c'est un signe parmi les signes qui distingue cette umma au jour de la résurrection parmi toutes les autres nations et les autres oumams qui vont être présentes. Et il y a également le fait qu'il y aura des gens qui vont être repoussés du bassin ou de la fontaine. Ils vont être éloignés et repoussés. Ils vont essayer de se rapprocher pour arriver, hein, en voulant montrer comme si qu'ils appartiennent à l'islam et aux musulmans, avec les musulmans, et qu'ils ont un lien avec l'islam. Ils prétendent être musulmans et appartenir à l'islam. Sauf qu'ils vont être empêchés de venir. Ils vont être repoussés comme un âne égaré. Et ils vont être empêchés d'arriver jusqu'à la fontaine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, et pourquoi? Et on va répondre au messager sallallahu alayhi wa sallam, on va lui dire, tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, suhqan, suhqan, c'est-à-dire qu'il soit éloigné pour celui qui a changé et qui a déformé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ou bien comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc ça c'est comme le premier hadith. Excepté que dans ce hadith il y a l'ajout du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va pouvoir distinguer sa umma au jour de la résurrection par les signes du wudu qui restent, et c'est-à-dire les marques blanches qui restent dans les extrémités des membres du wudu, hein, qui seront des traces éclatantes au jour de la résurrection. Ouais, déjà. Les gens de l'innovation, les gens qui ont changé la religion d'Allah et qui ont changé des choses ou qui ont déformé des choses dans la religion. Allahu a'lam, je sais pas. Mais il y en a des ulama qui considèrent que celui qui fait pas la salat, c'est pas des musulmans. Tu sais qu'il y a cette position-là parmi les positions des ulama. Donc pour eux, évidemment, là, ils vont pas être acceptés. Mais ceux qui considèrent que ils sont tout de même musulmans, probablement qu'ils ont une autre façon de comprendre le hadith. Wallahu a'lam. Donc le cheikh il dit: wa awwal al hadith fihi anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala wajadtu ana وددت أن قد رأينا إخواننا يتمنى صلى الله عليه وسلم أن يرى إخوانه من المؤمنين الذين يأتون من بعده. قال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي. هذه خاصة في الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، وهؤلاء يقال لهم الصحابة، ولهم فضل عظيم، وهم خير القرون. الإخوان هم الذين يأتون في آخر الزمان ويتبعون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما بينهما من طول الزمان، فهذا فيه الفضل العظيم في آخر هذه الأمة التي تتمسك بدين الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لم ترى. Donc après il dit: الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وجاهدوا معه، ولكن يأتي أناس لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يؤمنون به وهم لم يروه، ويؤمنون به بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصدقون به، وهذه فضيلة عظيمة، فالصحابة لهم فضل الصحبة، وهؤلاء لهم فضل التمسك والاتباع، وهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، كل له فضيلة خاصة به. Donc le cheikh il dit que donc au début de ce hadith le prophète صلى الله عليه وسلم dit: j'aurais aimé pouvoir qu'on ait pu voir nos frères, et il espère donc voir ceux parmi les croyants qui viennent après lui. Et les sahaba radiallahu anhum ont dit: ne sommes-nous pas tes frères? Et le messager d'Allah a dit: vous êtes mes compagnons. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier pour ceux qui ont été les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont cru en lui et qui sont morts musulmans. Donc ceux-là ont dit à leur sujet as-sahaba, ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et eux ils ont un très grand mérite, et ce sont les meilleurs de toutes les générations, ce sont les meilleurs de toutes les générations. Tandis que ceux dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, c'est-à-dire ceux qui sont ses frères, ce sont ceux qui viennent à la fin des temps et qui suivent ce messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré la longue distance qui les sépare dans le temps. Hein, et donc il y a ici un mérite, un grand mérite pour ceux qui sont à la fin de cette umma et qui continuent malgré tout à s'accrocher à la religion du messager sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'ils ne l'ont jamais vu, malgré qu'ils n'ont jamais vu le messager sallallahu alayhi wa sallam. Les sahaba ont vu le messager sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont assis avec lui, ils ont lutté avec lui, ils ont combattu avec lui. Puis il y a des gens qui vont venir après, qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont cru en lui, même s'ils ne l'ont pas vu. Ceux-là, ils ont cru en lui par rapport à qu'est-ce qui est venu du Coran, qu'est-ce qui est venu de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont cru en ça, ils ont cru en lui. Donc ça c'est un grand mérite également. Et les sahaba ont un grand mérite, qui est le mérite d'être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tandis que ceux-là, ils ont le mérite de s'accrocher et de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'ils ne l'ont pas vu. Donc chacun a un mérite qui lui est particulier. Chacun d'entre ces deux ont un mérite. Les sahaba et les ikhwan, c'est-à-dire pas les ikhwan qui sont aujourd'hui là, le groupe des ikhwan, les ikhwan, c'est-à-dire les frères, ceux qui suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui s'accroche à ça. Ensuite, le cheikh il explique un autre hadith maintenant. Walil Bukhari, bayna ana qaim idha zumra hatta idha araftuhum kharaja rajulun min bayni wa baynahum faqala halum qultu ayn qala ila an-nar qultu ma sha'nuhum qala innahum irtaddu ba'dak على أدبارهم القهقرى ثم إذا زمره فذكر مثله قال فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. Donc ça c'est un autre hadith rapporté par Al-Bukhari selon Abi Huraira رضي الله عنه. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est le prophète صلى الله عليه وسلم qui parle. Il dit: j'étais debout et voilà que je vis un groupe. Et au moment où j'ai commencé à les reconnaître, à savoir qui ils étaient, un homme est venu entre eux et moi et a dit: venez. A dit au groupe: venez. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: où? En voulant dire: où est-ce que tu les amènes? Il dit: au feu. Alors il dit: et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont? Il a dit, ils ont apostasié après toi. Ils sont revenus sur leur pas après toi. Puis un autre groupe est venu, puis il a mentionné la même chose. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: alors je ne crois pas qu'aucun d'entre eux sera sauvé. Hein, je ne crois pas qu'aucun d'entre eux sera sauvé. Et il a mentionné, illa mithlu hamalin ni'am. Hamalin ni'am, d'après ce que j'ai compris, c'est comme excepté comme les chameaux abandonnés. Et les chameaux abandonnés, c'est quelque chose qui est rare. C'est pas quelque chose que tu peux trouver facilement, parce que c'est, les chameaux, ça a une grande valeur. Donc personne va les laisser se promener comme ça. Donc il dit, je pense pas que aucun d'entre eux va être sauvé, excepté des chameaux, comme des chameaux abandonnés, en voulant dire t'en trouveras presque pas parmi eux qui vont être sauvés. Après, le cheikh il explique ce hadith. Hein? إذ هذا مثل الحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم يكون في خلق كثير يوم القيامة ثم ينادون إلى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قالوا إنهم لا يزالون يرتدون من بعدك هذا فيه أن من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فإنه سيلقى هذا المصير إلا إذا تاب إلى الله قبل الموت فهذا مما يؤكد على الإنسان أن يعرف نواقض الإسلام ويتجنبها لئلا يكون مع هؤلاء الناس يوم القيامة وهو يزعم أنه مسلم وقد يعيش الإنسان مرتدا يزعم أنه مسلم لماذا؟ لأنه يعيش على ناقد من نواقض الإسلام قد يعيش الإنسان مرتدا يزعم أنه مسلم لماذا؟ لأنه يعيش على ناقد من نواقض الإسلام ونواقض الإسلام كثيرة وأسباب الردة كثيرة يجب العناية بمعرفتها وسؤال الله الثبات على الدين فلا يكفي مجرد الانتساب أو أن يكون الإنسان إما مع الناس أساءوا أو أحسنوا بل لا بد أن يعرف الحق لأجل أن يعمل به ويسأل الله الثبات فهذا فيه أن من يرتد عن دين الإسلام فإنه يكون من أهل النار ولو كان في أول أمره من هذه الأمة. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh dit ça, c'est un hadith qui ressemble à celui qui a précédé. Et ça dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au jour de la résurrection, va être parmi un grand nombre de personnes. Puis ce groupe de personnes va être appelé vers l'enfer alors qu'ils sont en présence du messager sallallahu alayhi wa sallam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va dire, mais pourquoi? C'est-à-dire pourquoi ces gens-là sont appelés à l'enfer? Et ils vont dire au messager sallallahu alayhi wa sallam que ils ont toujours apostasié après toi. Et ça, c'est le cheikh il dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a fait quelque chose qui vient annuler son islam, qui est venu avec un naqid parmi les nawaqid de l'islam, il sera jeté en enfer et ce sera ça sa destination. Il aura le même sort que ceux-là. Excepté s'il s'est repenti avant la mort, il s'est repenti à Allah de son apostasie, il est revenu à l'islam. Donc, sinon, il aura le même sort que eux. Et ça vient confirmer que on doit connaître les choses qui annulent notre islam pour nous en écarter. Pour pas que quelqu'un soit parmi ceux-là au jour de la résurrection. En pensant qu'il est musulman. Et le cheikh, il dit qu'il se peut que quelqu'un vive comme étant, en tant qu'apostat, il vit en apostasie et il pense qu'il est musulman. Ça se peut que quelqu'un, il vive toute sa vie, il pense qu'il est musulman alors qu'il est un apostat. Pourquoi? Parce qu'il vit tout en étant sur un parmi les points qui annulent l'islam. Et les choses qui viennent annuler l'islam sont nombreuses. Hein, ces choses-là sont nombreuses. Et les causes de l'apostasie sont nombreuses. Donc c'est obligatoire d'essayer de les connaître et de s'en préoccuper pour les connaître comme il faut et de demander à Allah de nous raffermir sur sa religion. Et c'est pas juste donc suffisant de se dire musulman et de prétendre appartenir à l'islam ou d'être un peu naïf avec les gens, peu importe ce qu'ils font de bien ou de mal. Non, il faut que tu reconnaisses et que tu connaisses la vérité et que tu l'appliques et que tu demandes à Allah de te garder ferme sur sa religion. فَهَذَا فِيهِ Donc il y a dans ça le fait que si quelqu'un apostasie de la religion de l'islam, alors il sera dans l'enfer. Si quelqu'un était musulman et il a quitté l'islam, il sera dans l'enfer. Même si au début il était parmi les gens qui font partie de cette umma. Et il mentionne un verset ensuite. Il dit, قال الله تعالى وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلِذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَى وَلِذَٰلِكَ يَجِبُ عَلَيْنَا أَن نَعْرِفَ مَا هِيَ أَنْوَاعُ الرِّدَّةِ وما هي نواقض الإسلام حتى نتجنبها وأكثر الناس همل لا يدرون ولا يعرفون نواقض الإسلام ويقعون فيها وهم لا يدرون بسبب الجهل الذي لا يعذرون به لأنه لا يعذر في الجهل من يعيش بين العلماء في بلاد وفي بلاد الإسلام لأنه بإمكانه أن يسأل وأن يتعلم ويحرص على التعلم أما الذي لا يبالي فإنه لا يهتم بالعلم ولا بالتعلم ويكتفي بمسمى الإسلام فقط ويجاري الناس على ما هم عليه ثم يوم القيامة يصبح من الخاسرين فهذا فيه الحث على معرفة نواقض الإسلام حتى يتجنبها المسلم لئلا يكون مع هؤلاء يوم القيامة. Donc le cheikh il mentionne le verset 217 dans surat al-Baqara, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque d'entre vous apostasie de sa religion et qui meurt en étant mécréant, alors ceux-là, leurs œuvres seront vaines dans la dunya et dans l'au-delà. Et ceux-là seront les compagnons de l'enfer où ils y demeureront éternellement. Et c'est pour ça que c'est obligatoire pour nous de connaître les catégories d'apostasie et quelles sont les choses qui annulent l'islam pour pouvoir nous en écarter. Et la plupart des gens, ils négligent ces choses-là. Ils ne savent pas qu'est-ce qui annule l'islam d'un individu. Hein? Ça c'est un fait, la majorité des musulmans aujourd'hui, si tu leur demandes c'est quoi les choses qui annulent ton islam, ils ne les connaissent pas, ils ne savent pas. Hein? Et donc à cause de ça, ils tombent dedans sans le savoir, à cause de leur ignorance, qui est une ignorance qui ne sera pas excusée. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit, quelqu'un qui est un musulman, qui vit parmi les ulamas, dans un pays musulman, il n'est pas excusé pour son ignorance. Parce qu'il est capable de demander et d'apprendre sa religion. Mais, et le cheikh il dit, mais, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'intérêt pour l'apprentissage de la religion. Ils n'ont pas d'intérêt pour la science de l'islam. Ils se limitent uniquement et ils pensent que c'est uniquement suffisant de dire islam, ou de dire musulman avec sa bouche, et il vit avec les gens comme qu'est-ce que les gens font, il le fait, et il ne se pose pas de questions, et il n'essaie pas de chercher à apprendre sa religion. Et puis au jour de la résurrection, il va être parmi les perdants. Hein? Donc il y a ici quelque chose qui vient nous inciter à apprendre les choses qui annulent l'islam d'un individu pour éviter... Hein, pour éviter de tomber dans ces choses qui annulent notre islam et pour pas qu'il soit avec ces gens-là au jour de la résurrection. Donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a écrit un petit livre qui s'appelle Nawaqidul Islam. Il a mentionné 10 choses qui peuvent annuler l'islam de quelqu'un. Et le cheikh Al-Fawzan, il a fait un sharh de ces 10 points. Et on a fait un cours là-dessus, on a fait des cours là-dessus il y a quelques années, je pense 2 ans environ. Donc celui qui veut les écouter, les cours sont sur le site, dans les cours de Aqida sur les Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam. Attendez, ok. يرحمك الله. Bon, ensuite le cheikh il mentionne encore un autre hadith. Il dit ولهما, c'est-à-dire وللبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc ça c'est les versets dans sourate Al-Ma'ida. Qu'est-ce qu'il dit? C'est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim que il dit Abdullah ibn Abbas, il a dit selon Abdullah ibn Abbas, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est dans le même contexte que les hadiths qu'on vient de mentionner, sauf que là il y a un ajout, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va dire et je vais dire comme a dit le serviteur pieux, c'est-à-dire Isa ibn Maryam, et je vais dire aux gens, je vais dire à Allah subhanahu wa ta'ala la même chose que Isa alayhi salam ce jour-là, hein, les versets 117, 118 dans surat Al-Ma'ida. Il va dire et j'ai été témoin sur eux lorsque j'étais parmi eux et lorsque tu m'as pris, hein, et tu m'as élevé aux cieux, alors là c'était toi qui étais celui qui les surveillait et tu es témoin de toutes choses, tu es certes témoin de tout, et si tu les châties alors ce sont tes serviteurs, et si tu les pardonnes alors tu es certes le Tout-Puissant et le Sage. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage là il dit يقول صلى الله عليه وسلم عند ذلك اي عند هذا المشهد الهائل حينما يذادون الى النار من عند الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما قال العبد الصالح وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا قال الله له يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا فيه فضح للنصارى الذين يقولون إن المسيح ابن الله أو ثالث ثلاثة أو يقولون إن المسيح هو الله أو إن الله هو المسيح ابن مريم. يقول الله له يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك. هذا تنزيه لله عز وجل من القول. Donc le cheikh il explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est dans ce moment là qui est un moment terrifiant, hein, il voit les gens qui sont en train de se faire jeter en enfer, hein, alors qu'ils sont en présence du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il va dire comme le serviteur pieux, c'est-à-dire Isa fils de Marie alayhi salam, il va dire le prophète, notre prophète va dire la même chose que lui au jour de la résurrection. Il va, comme lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui disait dans le verset 116 dans sourate Al-Ma'ida, ô Isa, fils de Marie, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah, comme deux objets d'adoration en dehors d'Allah? Et ça c'est la honte qui est démasquée pour les juifs et pour les chrétiens au jour de la résurrection, puisqu'ils prétendaient que le Messie c'était le fils d'Allah, ou que c'était un des trois, comme ils croient à la Trinité, hein, ou bien que c'était... ils disent par exemple que le Messie c'est Allah, ou bien que Allah c'est le Messie fils de Marie. Donc au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Isa, ô Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de me prendre moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah, hein? Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander ça, wa alaykum salam wa rahmatullah, lui demande au jour de la résurrection, et il va répondre quoi? Il va dire Subhanak. Il va dire Subhanak, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié de ce genre de paroles et de ce genre de mensonges. C'est pas vrai. En voulant dire, Isa il dit, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit aux gens, priez Marie, priez moi, c'est moi votre divinité, c'est moi votre Dieu en dehors d'Allah. Isa alayhi salam, il a jamais dit ça. C'est eux qui ont inventé ça après lui. Donc, après le cheikh, il dit, ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأن العبادة حق لله وليست حقا للمسيح ولا لأمه ولا لغيرهما من المخلوقين العبادة حق لله جل وعلا قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق لأن هذا حق الله جل وعلا الألوهية والعبادة حق لله إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب هذا برهان آخر على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل هذه المقالة أنه لو قال هذا لعلمه الله لأن الله يعلم كل شيء وهذا دليل على أنه لم يقل هذا لهم لأنه لو قاله لعلمه الله سبحانه وتعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله لا يأتي بشيء من عنده إنما هو مبلغ عن الله Donc le Cheikh explique la suite Il dit que Isa ibn Maryam عليه السلام il dit قال سبحانك il dit que tu sois purifié de cette parole qui est fausse hein, de dire que moi ou ma mère seraient des divinités en dehors d'Allah ça c'est un mensonge ça c'est faux سبحانك que tu sois purifié de ce mensonge et de cette parole je ne leur ai dit hein, il ne m'appartient pas de leur dire excepté ce que j'ai le droit de dire Et je n'ai pas le droit de dire ce que je n'avais pas le droit de dire ce genre de parole. Je ne peux pas leur dire cette parole puisque je n'ai pas le droit de la dire. Le cheikh il dit le droit c'est quoi? C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'adoration. L'adoration c'est un droit exclusif à Allah et ce droit-là il n'est pas au Messie ni à sa mère, il n'est pas à Isa ibn Maryam, il n'est pas à sa mère. Et à aucun autre parmi les créatures. L'adoration est un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui a le droit d'être adoré. Donc il dit, لِأَنَّ هَذَا حَقُّ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى Donc ça c'est le droit d'Allah. L'adoration, qu'on appelle al-uluhiyya, ou qu'on appelle al-ibada, dans les deux sens, c'est un droit exclusif à Allah seul. إِن كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Si j'avais dit cette parole, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Et tu sais, et tu es celui qui connaît l'invisible. Tu es celui qui connaît l'inconnaissable. Donc si j'avais dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme des divinités en dehors d'Allah. Si j'avais dit aux gens, c'est moi Dieu, adorez-moi ou des choses de ce genre. Alors tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et moi je ne sais pas ce qui est en toi. Ça c'est la preuve qu'il n'est pas divin. Parce que si, comme les chrétiens le prétendent, les chrétiens disent, il y a trois dieux en un. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit et les trois forment un. Hein? Et si ils étaient trois en un réellement, le Père ne pourrait pas savoir quelque chose sans que le Fils le sache. Et vice versa. Hein? Et ça, c'est la preuve que Isa ibn Maryam, il n'a rien à voir avec la divinité. Et il n'est pas Dieu. Et même dans leurs livres, on retrouve des passages qui disent ça aussi. On a des passages dans la Bible où un homme demande à Isa ibn Maryam, dans leur livre, c'est écrit, « Quand viendra l'heure ? Quand est-ce que va venir l'heure du jugement dernier ?» Et Isa, il répond, il dit, « Nul ne sait l'heure. Hein? » Ni le Père, ni le Fils, ni les anges, c'est seulement Dieu qui connaît l'heure. Donc, si lui, il faisait un avec Dieu, et que Dieu le savait, il devait le savoir lui aussi, puisqu'ils forment un. Mais si Dieu le sait, mais lui, il ne le sait pas, c'est la preuve qu'ils ne forment pas un, et ils ne sont pas une seule et même personne. Donc ça c'est la réfutation de leur dogme en la Trinité qui est une croyance totalement opposée et fausse, hein, opposée à la vérité et totalement fausse. Ensuite, Le cheikh il dit in kuntu qultu faqad alimta. Il mentionne le verset. Ensuite il dit ça c'est la preuve, une autre preuve que Isa ibn Maryam il n'a jamais dit ce genre de parole. Si il l'aurait dit, Allah l'aurait su et Allah il sait toutes choses. Donc ça c'est la preuve que Isa alayhi salam il ne l'a jamais dit. Il ne l'aura jamais dit ça. Et s'il l'aurait dit, Allah l'aurait su en premier. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. Et ça c'est que le messager sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un transmetteur. Il n'est que celui qui vient transmettre la parole d'Allah. Il n'amène rien de lui-même. Il ne fait que transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit, je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné de leur dire. C'est quoi cette parole qu'il leur avait dit? An ya'budu Allah Rabbi wa Rabbakum. C'est-à-dire adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Ces paroles-là, on les retrouve mentionnées dans la bouche d'Isa dans le livre des chrétiens aujourd'hui. Il dit, mon maître est votre maître. Mon Dieu est votre Dieu. Ça, c'est dans la Bible des chrétiens, c'est écrit aujourd'hui. Comment aujourd'hui ils adorent Isa alayhi salam alors que dans leur livre, Jésus, il dit, mon maître est votre maître. Mon Dieu est votre Dieu. Il est un esclave comme nous. Il est un serviteur d'Allah comme nous. Donc, comment ils peuvent détourner la vérité et commencer à adorer Isa ibn Maryam au lieu d'adorer le créateur d'Allah, le créateur de l'univers, le créateur de Isa, le créateur de tous les êtres humains sur la terre. Donc, comment ils peuvent détourner ça et vouer leur culte et leur adoration à un être humain au lieu d'adorer Dieu seul? Donc, il dit, Fasar al-Masih abdan, Fasar al-Masih abdan wa laysa rabban, kama taquluhu an-Nasara. Wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim. يعني في حياته عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك ولم يأمرهم بالشرك أبدا ما كان لبشر أن يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله لا أحد يقول هذا من الأنبياء ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب هذا الذي يقوله النبي وكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله ليس هناك نبي يأمر بهذا أبدا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فالنبي لا يأمر بالكفر أبدا ولا يتصور هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الشرك وإلى الكفر فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد فالمسيح عليه الصلاة والسلام توفي حين رفعه والوفاة هنا هي القبض فقبض وهو حي عليه الصلاة والسلام لم تفارق روحه جسده إنما قبض عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده ورفع إلى السماء إني متوفيك ورافعك إلي ثم في آخر الزمان يتوفى الوفاة الكبرى وهي مفارقة الروح للجسد وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته هذا في آخر الزمان يموت عليه الصلاة والسلام يدفن كما دفن الأنبياء في القبر في آخر الزمان. Donc le cheikh il dit ensuite يعني qu'est-ce que je leur ai ordonné? Je leur ai ordonné de dire je leur ai ordonné ce que tu m'avais ordonné, c'est-à-dire d'adorer Allah. Je leur ai dit adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Donc, Al-Masih, c'est un esclave d'Allah, c'est un serviteur d'Allah. Il n'est pas un Seigneur, il n'est pas un Dieu, il n'est pas adoré, comme, contrairement à ce que disent les chrétiens. Il dit, j'ai été témoin de ce qu'il faisait lorsque j'étais vivant parmi eux, lorsque j'étais parmi eux, pendant ma vie. Hein? Donc ça, c'est ce que Isa, alayhi salam, est en train d'expliquer. Il les appelait au tawhid durant sa vie. Il les interdisait de faire le shirk. Et il leur ordonnait, d'adorer Allah seul et de ne pas associer avec lui. Il ne leur a jamais ordonné d'associer ou d'adorer d'autres que lui, d'adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il ne leur a jamais ordonné des choses pareilles. يَنْهَاهُمْ عَنِ الشِّرْكِ وَيَأْمُرْهُمْ بِالتَّوْحِيدِ. Et il mentionne un autre verset qui est le verset 79 et 80 dans Surat Al-Imran. Et dans ce verset-là, il y a l'explication de ce sujet-là. Il dit, il n'appartient pas à un homme à qui Allah a donné le livre, le jugement et la prophétie. Puis qu'il dise aux gens, soyez mes adorateurs en dehors d'Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il va pas donner à un homme la prophétie, la révélation et le jugement. Puis après, cet homme-là, il va commencer à dire aux gens, adorez-moi. Ça, c'est pas possible. Hein? Il dit, il y a aucun parmi les prophètes qui va dire ça aux gens. Mais plutôt, qu'est-ce qu'ils vont dire aux gens? Soyez des rabbaniyoun. Soyez des gens qui apprenez et enseignez aux gens d'après ce que vous avez appris du livre. Hein? Ça, c'est ce que disent les prophètes. Soyez des éducateurs, des gens qui enseignent aux autres la parole et le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi à partir de ce que vous avez étudié. Et il ne va pas dire ou ordonner aux gens de prendre les anges et les prophètes comme des seigneurs en dehors d'Allah. Ça, c'est pas le travail des messagers et des prophètes. Ceux qui ont reçu la prophétie, ils disent pas aux gens, adorez-moi, adorez les anges, ou adorez des prophètes. Jamais de la vie. Ils disent, adorez Allah seul. Hein? Et après, dans le verset même, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, dans le verset, il dit, أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Est-ce qu'il va vous ordonner le kufr après que vous ayez été musulman? Vous avez été musulman, vous avez été soumis à Allah, vous avez accepté la foi. Maintenant, après ça, lui, il va vous appeler au kufr en adorant d'autres que Allah et en adorant les prophètes et les anges? Jamais. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'appelle pas, il ne commande pas, il n'ordonne pas aux gens de faire le shirk et le kufr. Jamais. Et on ne peut pas concevoir même qu'un prophète pourrait appeler les gens au shirk ou au kufr. Ça, c'est quelque chose d'inconcevable et d'impossible. Et ensuite, Isa ibn Maryam, il va dire, et lorsque tu m'as, ici, lorsque tu m'as élevé aux cieux et que tu m'as enlevé de ce monde, c'était toi qui étais celui qui pouvait qui les surveillait à ce moment-là et qui était témoin de ce qu'ils faisaient, parce que certes, tu es témoin de toutes choses. Ça, c'est le verset 117 dans Surat Al-Ma'idah. Donc, ici, le Cheikh, il dit que le Messie, Al-Masih ibn Maryam, fils de Marie, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a été élevé, il a été élevé aux cieux avec son âme et son corps. Il était encore vivant. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas fait mourir. Il l'a élevé aux cieux avec son âme et son corps ensemble. Hein? Et il a été élevé aux cieux, et il dit dans le verset 55 dans Surat Al-Imran, je vais te prendre et t'élever vers moi. Hein? Je vais te prendre et t'élever vers moi. Puis vers la fin des temps, il va revenir sur terre et il va vivre et il va mourir par la suite, la mort comme tous les autres êtres humains. Hein? Son âme va sortir de son corps comme les autres êtres humains qui meurent. Et il mentionne la preuve de ça dans le verset 159 dans Sourate An-Nisa, wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtih. Il y en a pas parmi les gens du livre excepté qu'ils croiront, hein, il y a aucun d'entre les gens du livre excepté qu'il va croire en lui avant sa mort. C'est-à-dire tous les gens du livre vont croire en lui avant sa mort, c'est-à-dire lorsqu'il va revenir. Et il dit ensuite, donc ça c'est vers la fin des temps, que Isa alayhi salam, il va revenir sur terre. Et il va mourir comme tous les autres êtres humains, et il va être enterré comme les autres prophètes avant lui, dans la terre, dans sa tombe, et il va être dans sa tombe jusqu'à la fin des temps, hein, jusqu'à la résurrection, comme les autres êtres humains. Après, le cheikh, il dit, وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعًا. Ça, c'est un autre hadith, on l'avait déjà lu plus tôt dans les cours précédents. يعني لهما, ça veut dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est le hadith qu'on a lu dans les cours précédents. مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَى هل تحسون فيها من جدعى حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها متفق عليه. Donc ça c'est le hadith de qu'on a mentionné déjà selon Abu Huraira, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il n'y a pas un enfant qui naît excepté qu'il naît sur la fitra, c'est-à-dire il naît sur l'islam, sur le tawhid, l'unicité d'Allah. Il reconnaît dans son cœur qu'il n'y a que Allah qui mérite d'être adoré. Ça fait partie de sa nature, de son être, hein, du plus fond de son être. Il reconnaît cette réalité et cette vérité-là. Et ce sont ses parents qui le font devenir juif ou chrétien ou majus, hein, selon la religion des parents. Puis, il donne l'exemple par rapport à un animal. Il dit, lorsqu'un animal, il naît complet. Est-ce que vous avez déjà vu un animal qui naît, par exemple, avec les oreilles trouées ou des choses comme ça? Non, c'est vous-même qui les avez trouées. Donc, il ne va pas avoir les oreilles trouées ou percées, excepté que c'est vous qui les avez percées. Donc, il donne l'exemple de ça par rapport à la personne qui, l'enfant qui naît sur le tawhid. C'est qui ce qui le fait quitter le tawhid? C'est ses parents qui le fait quitter le tawhid. C'est ses parents qui le fait devenir majus ou juif ou chrétien ou bouddhiste ou hindou ou Krishna ou athée ou autre religion. Mais à la base, il est complet, il est sur le tawhid. Hein? Donc c'est ça. Donc, fitrat Allah, allati fatara an-nasa 'alayha, ça c'est le verset que Abu Huraira a cité à la suite, qui est le verset 30 dans Surat al-Rum. Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme sur l'islam, sur le tawhid. Dans son cœur, il est sur le tawhid à la base. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique. هذا الحديث يفسر الآية السابقة التي في أول الباب في أن الله فطر الناس على الإسلام أي فطرهم على التوحيد فلو أنهم سلموا من دعاة الضلال لبقيت فطرتهم قابلة للحق ولاتبعوا الرسل فالفطرة وحدها لا تكفي لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام ففطرتهم صالحة مثل التربة الطيبة الصالحة للنبات فالتربة إذا بقيت ولم تلوث تبقى صالحة وإذا غيرت وسبخت وعلتها الملوحة والماء فسدت وصارت غير صالحة للإنبات وكذلك الإنسان إذا غيرت فطرته فإنها لا تقبل الخير لأنها انحرفت وتغيرت كالتربة إذا فسدت وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا بالشاة الجدعة التي قطعت أذنها وكسر قرنها تولد جمعة أي سليمة ليست مجدوعة كاملة القرنين والأذنين ثم إن أهلها هم الذين يجدعونها وكذلك المولود يولد على الفطرة كاملا فإن غيرت الفطرة فهذا من تصرف المربين الذين يحرفون الفطرة ويغيرونها مثل الذين يفسدون التربة الصالحة يفسدون التربة الصالحة للبذر فلا تنبت. Donc le cheikh il explique ce hadith là en expliquant comme on l'a expliqué au début de ce chapitre, yani que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes sur une fitra, sur la nature qui est l'islam, c'est-à-dire il les a créés sur le tawhid. Et s'ils avaient été épargnés des gens qui appellent à l'égarement, ils seraient restés sur leur fitra et ils auraient accepté la vérité et suivi les messagers. Mais la fitra à elle-même, ça ne suffit pas. C'est pas suffisant juste de te baser sur la fitra. Il faut également suivre les messagers. Hein? Donc, leur fitra, si elle est propre, c'est comparable à une terre qui est bonne. Elle peut faire pousser des plantes. Et elle est restée propre. Elle n'a pas été polluée. Elle reste propre, donc elle peut faire pousser plusieurs plantes et des bonnes choses. Mais si cette terre, elle a été changée, elle a été mélangée avec de l'eau et du sel, etc., elle commence à devenir mauvaise. Elle ne peut plus rien faire pousser par la suite. Donc c'est comme ça que on peut comparer ça avec l'être humain. Lorsque l'être humain, sa nature, elle a été corrompue et changée, elle ne peut plus accepter le bien par la suite, parce qu'elle a été déformée, elle a été falsifiée, déformée et corrompue, comme la terre lorsqu'elle a été corrompue. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de ça en parlant d'un mouton par exemple, auquel on a coupé les oreilles ou on a cassé les cornes, si c'est un bouc ou quelque chose comme ça, on lui a casser une corne ou quelque chose comme ça, un bélier, naam, il est né à la base, il est né complet, sans avoir une corne cassée ou des choses comme ça, yani, et par la suite, yani, c'est sa famille ou les gens qui sont propriétaires de ce mouton ou de ce bélier ou de cet animal qui lui ont coupé les oreilles ou percé les oreilles, des choses de ce genre. Sinon, il est né complet. Et c'est comme un enfant, lorsqu'il naît, il est sur la fitra. Puis si cette fitra, elle change par la suite, à cause de l'éducation qu'elle a reçue de la part de ceux qui l'ont éduqué, qui avaient une fausse religion, une fausse croyance, eh bien, par la suite, cette fitra, elle peut être changée, elle peut être corrompue. Hein? De la même manière que ceux qui, par exemple, si on compare avec la terre, s'il y a de la terre qui a été corrompue par la suite, eh bien, elle peut plus faire pousser. C'est comme la terre, hein? Quand il y a eu de l'érosion sur le sol et tout, ben, après, il n'y a plus de minéraux dans la terre, il n'y a plus rien, puis il n'y a plus rien qui peut pousser. Et cet exemple-là, ça s'applique pas seulement aux koufars qui naissent dans des familles de juifs ou de chrétiens ou de majus ou autres religions. Ça s'applique également aussi à des musulmans qui vont grandir dans des familles où les gens sont sur des fausses croyances ou des fausses innovations. Comme par exemple, les gens qui naissent dans des familles où ils croient ou ils pratiquent le tasawuf, le soufisme, et qui ont toutes sortes de pratiques, des croyances bizarres qui sont contraires au Coran et à la Sunna. Et il y a des gens comme par exemple, j'ai vu dans certains pays, hein, qu'est-ce qu'ils font ? Yani, ils font des fêtes, des célébrations quand il y a la naissance de leur cheikh ou de leur wali. Et yani, j'en ai vu une en particulier dans un pays musulman où quand il y avait cette fête là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la musique, ils font de la danse. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un mouton ou une bête et ils la tuent, pas avec des couteaux pour l'égorger. Il lui arrache la peau, il lui arrache les jambes, il lui font des trous dans le corps. Il la tue comme ça avec leurs mains là. Hein? Et il y a des frères qui m'ont montré ça sur YouTube, yani. Il y a une tariqa comme ça qu'on appelle, je pense, les Isawiya. On est dans un pays musulman et il faisait ce genre de pratique là. Donc imaginez l'enfant qui est né dans une famille où les gens font ce genre de pratique. Ils ont grandi avec les affaires de danse et de musique et ils assistent à toutes sortes de bid'ah, des choses contraires à la sunna, des khurafat. Ils grandissent avec ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont penser que c'est ça l'islam. Hein? Donc, ça c'est l'exemple, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُصَوِّفَانِهِ. Ils le font devenir soufi, ou bien ils le font devenir shi'i, rafidi, comme ceux qui prennent les couteaux, par exemple, parmi les rafidas, ils vont se couper la tête avec les épées, hein? Ils marchent dans la rue, ils sont tous avec le sang. Les enfants, ils grandissent, ils voient ça, ils pensent que c'est normal, ils pensent que c'est ça l'islam. Mais c'est comme en Afrique, c'est comme tu dis, toi, tu dis ceux-là, ils ont vu des noirs musulmans, ils disent, ah, ça se peut pas, c'est bizarre, parce qu'eux, ils n'ont jamais vu des noirs musulmans. Mais il y a le contraire aussi. Il y a des pays musulmans où il n'y a que des noirs, quand ils voient des blancs, pour eux, c'est des chrétiens. Donc quand ils vont voir des blancs musulmans, ils disent, ah, ça se peut pas, des blancs musulmans. Hein? Donc c'est la même chose. Exactement, comme dit My God, hein, des toubabs musulmans. Donc pour eux, c'est comme... Un blanc, c'est un chrétien. Ils ne peuvent pas penser qu'il y a des blancs qui sont musulmans. Et pourtant, il y en a. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Donc, c'est pour dire que des enfants qui naissent dans des familles où les gens adorent les tombes, ils adorent les saints, ils adorent les awliya, ils pensent que ça, c'est l'islam. Hein? Alors que ça, c'est la religion du shirk. Et donc, la fitra de ces enfants-là, elle a été corrompue à cause de la mauvaise éducation de ces parents-là. Ensuite... Le cheikh, il mentionne un autre hadith. Il mentionne un autre hadith qui est le hadith de Huzaifa. Je pense qu'on va s'arrêter ici parce que le hadith de Huzaifa, c'est un hadith qui est assez long, puis il mérite qu'on lui donne son mérite. Hein? Il mérite qu'on lui donne ce qu'il mérite. Donc, Inch'Allah, on va lui donner le temps qu'il mérite. Non, mais il mérite qu'on lui donne toute notre attention et notre compréhension. Donc, on va le laisser pour demain, c'est ça ce que je veux dire. Donc, on va arrêter maintenant. Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.